ok, c'est carré que les tarés, quand je leur prends d'arrêt, l'argent suis égaré. Merci au public qui nous aime, qui nous suit. C'est pour toi et nous, lui, l'ami. Ça se passe sur scène ou sur disque. Trois gladiateurs sont dans l'arène, bienvenue dans la zone à risque. SNI, on est revenu vous choquer. Balance des notes, FD. First line, toujours aussi appliqué. C'est notre musique. On est passé du rire aux larmes, trois achats, les trois affamés, aussi grave et dans la roche pour des années. Et je tombe à pic, ouais. Un style impec, ouais. Et la tech pour les copecs. J'écris à la Bellec, mec, et je revendique mon rap. Et l'hystérie est globale, la rime frappe, une anesthésie locale. L'agression est verbale, mal sont les mots, sale est le flow, mais le crime reste vocal. Et je localise la locale, dans la petite feuille à papier. Je l'enroule, je l'emballe, la monte là, se couper. Et tu peux pas me louper, je viens de Paris, tu connais. La capitale du pays, là où personne se connaît. Là où l'on aime la monnaie, où le talent sort du ghetto. Là où y'a plus de respect, là où les stars sortent d'un château. Gros, trop de journalistes disent connaître le peura. Trop de soi-disant puristes, du hip-hop, le loula. Pour les refs et rouillards, je suis revenu clasher. Du talent, un chouïa, mais le style est fâché. Pose à genoux au sol, man. De la vibe, tu flow des lyrics, on en a encore. Pourquoi tu t'affoles, man? 2005, on met ça, mais trois fois plus fort. SNIPER, c'est différent, ma frère. Comment tu vas lâcher cher? Et de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire? On le fait parce qu'on a ça dans le sang. Notre son, c'est juste du sang pour ça. Man, pose-toi, laisse donc passer mon crew. Pose un genou au sol ou tu finis dans un trou. Tu sois grand ou grand négro, moi je m'en bats les yeux. J'aurai toujours une vibe pour te trancher le cou. Blago, les vibes ils aiment lâché. Toujours précis, faut clasher. Oui, c'est un talent fâché, c'est un soldat engagé. Un cha-cha warrior, on fait à bloc sur entraîné. Prêt pour la guérilla, oh, radical official. OP quand faut cramer une salle, un studio le boule d'une gale. Radical official, l'alchimie est trop sale. Sandboy t'es matuchial. Y'a ceux qui trippent et ceux qui trippent pas. Nous on fait ce qu'on a à faire. Pour le reste, papy flip pas. Pas d'hypno stress. Tu me verras débouler si une instru me tend ses fesses. Pose un genou au sol, man. De la vibe, tu flow des lyrics, on en a encore. Pourquoi tu t'affoles, man? 2005, on met ça, mais trois fois plus fort. SNIPER, c'est différent, ma frère. Comment tu vas lâcher cher? Et de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire? On le fait parce qu'on a ça dans le sang. Notre son, c'est juste du sang. C'est du peura, ça vient de la rue, c'est la réalité. Réveille-toi, c'est pas les talents falsch, t'as la télé. C'est talent fâché, moi je suis pas là pour vendre du rêve ou rabâcher tout ce que t'as déjà entendu. En bref, y'a pas de trêve, on est des chiens, on a encore faim. Y'a pas vos lèvres comme à l'ancienne, on est encore frais. Prêt à bouffer de la scène, fumer les mics. Écraser les jbebs avec la semelle de mes Nike. Surveille les bacs, Inch'Allah bientôt le troisième. Nouvelle époque, nouvelle étape, nouvelle débielle. N'importe qui écoute du rap et y'a plus rien de rebelle. Alors écoute mon pote, il faut que tu tendes l'oreille. Si le personnage te manque et que tu te grattes les veines, on reprend les rênes, mise à l'amende, à la demande. On vient de fourrailles dans les règles de l'art. Et rien à foutre des modes, connard. On est venu te remettre à la page des morts. Faites la fin de l'album, une soirée pour chasser l'ennui. Péta sortie annuelle en boîte de nuit. Tout le monde est là. Ouais, ouais, bon c'est bon, on s'arrache de deuil.